Chapitre 3. Le roi de l'huile. La vie d'hôtel aux États-Unis présente des particularités nationales en opposition complète avec ce qui se passe chez nous. En Europe, le mot hôtel signifie simplement un gîte plus ou moins confortable où l'étranger trouve, avec le coucher, ses repas à une table commune ou dans l'appartement qu'il occupe. Aux États-Unis, l'hôtel est une sorte de phalanstère dans lequel bon nombre de familles de la cité s'établit sa demeure. Elle rencontre dans ses immenses caravansérails le homme sans avoir les soucis d'une installation. Le baron Walker, se conformant aux habitudes du pays, avait loué un somptueux appartement dans l'hôtel d'Astor avec écurie et remise pour sa voiture et ses chevaux. Cependant, Eve et Marcel, habitués à vivre dans une retraite relative, s'étaient lassés bien vite de leur nouvelle existence et Kerlusset avait loué pour le double ménage un charmant petit cottage sur les bords de la Hudson. Rien de plus gracieux que cette habitation à deux étages. Un parterre plein de fleurs et d'arbustes rares précédait la villa qui s'ouvrait d'un côté sur le quai et de l'autre sur le fleuve qui, en cet endroit, avait la largeur d'un bras de mer. En face, l'île du gouverneur, commandée par le fort Columbus, émergeait comme un bouquet verdoyant. À chaque instant, on apercevait des fenêtres, les vaisseaux, les bateaux à vapeur et les barques de pêcheurs circulant dans le chenal. Par un heureux hasard, la villa, récemment habitée par une famille française, s'était trouvée meublée très confortablement et les deux sœurs en avaient fait en quelques jours un véritable paradis terrestre. Cette demeure, à tous les points de vue, était un vrai paradis, car le bonheur y avait établi sa résidence. Les deux beaux-frères, après déjeuner, prenaient le tramway qui passait devant leur porte et ne rentraient plus qu'à la tombée de la nuit. Maurice de Lavernay, en sa qualité de secrétaire général de la société, organisait et installait le nombre personnel de ses bureaux dans le splendide palais que Walker avait fait préparer à Broadway. Quant à Kerlusset, il s'en allait surveiller le montage des nouvelles machines qui avaient été commandées pour l'exploitation du lac souterrain de pétrole. De temps à autre, il prenait le chemin du Grand Ouest qui le conduisait au Puits Noir, lequel, après avoir fait la fortune de Sir John Colfax, était appelé à faire celle de la société qui lui succédait. Il avait été décidé que la production des huiles minérales serait augmentée dans de larges proportions et le jeune savant avait à cet effet ordonné le forage de nouveaux puits dans le voisinage de l'ancien. De son côté, le baron Walker avait mis à exécution son magnifique projet de réclame. Le New York Herald avait coup sur coup publié de longs articles dans lesquels se trouvait expliquée la colossale opération dont le riche banquier était tout à la fois le directeur et le principal actionnaire. Du jour au lendemain, Walker était passé à l'état d'homme célèbre d'un bout de l'Union à l'autre et on l'y désignait sous la dénomination pompeuse du roi de l'huile. De plus, son portrait avait été reproduit dans les revues les plus accréditées et sa photographie ornait les devantures de tous les magasins d'estampes. Enfin, Barnum, le grand Barnum lui-même, était venu le supplier de faire dans son musée une conférence sur l'importante question des huiles minérales. Le baron Walker, en homme habile, s'était montré bon prince et il avait accepté l'offre du célèbre pufiste à la condition que le produit de cette conférence serait consacré à l'amélioration des pompes à incendie de cette ville. À l'issue de la séance, on le porta en triomphe à l'hôtel d'Astor. Le lendemain, il était reçu pompier honoraire de New York. Le surlendemain, les actions de la compagnie qui avaient été émises à $100 faisaient $25 de prime. À partir de ce moment, ce fut une véritable fièvre, une furie universelle. Tout le monde voulait de la valeur nouvelle. On vendait des consolidés pour acheter des actions de la Société Générale des Huiles Minérales. Ce succès, loin de calmer l'ardeur des annonces et des réclames du baron Walker, n'avait fait que l'accroître, et bientôt l'Amérique entière, l'Europe et l'Asie furent inondées de ses prospectus. C'était un déluge des mieux conditionnés. Cependant, le vicomte de Kerlusset, bien qu'absorbé par l'installation de son nouveau matériel d'exploitation, n'avait pas vu sans une vague terreur la hausse désordonnée des valeurs dans lesquelles se trouvait engagée sa fortune et celle de son beau-frère. Il pense avec raison qu'une réaction ne tarderait pas à se produire et qu'elle serait d'autant plus forte que l'élan avait été plus irréfléchi. Ce fut au milieu de ces réflexions que le baron Walker le surprit un jour. Il entra dans le cabinet du jeune savant, tenant à la main la cote de la bourse. « Que pensez-vous de notre affaire ? » lui demanda-t-il d'un air triomphant. « Voici nos actions qui atteignent le chiffre de 315 $. »« À vous parler sincèrement, » dit Kerlusset, « cette hausse me fait peur. Il est pour moi de toute évidence qu'elle ne se maintiendra pas longtemps. » Le banquier regarda fixement Amaury et, sans répondre à la crainte qu'il venait de manifester, lui posa la question suivante. « Puis-je compter sur vous et sur M. de Lavernay d'une manière absolue ?»« Sans doute, » fit le comte un peu étonné de cette demande. « Puisqu'il en est ainsi, » poursuivit Walker après une courte hésitation, « je vais vous donner un conseil qui vaut de l'or. Je vous écoute. Il faut vendre toutes vos actions et celles de votre beau-frère. Mais ce que vous me proposez là est impossible. Et pourquoi ? Parce qu'elle représente notre cautionnement. C'est Lavernay qui a la clé de la caisse, repartit le banquier. Personne ne se doutera que vous avez vendu vos actions, et lorsque la baisse sera venue, ce qui ne tardera pas, vous pourrez les racheter au-dessous du pair. De cette façon, vous réaliserez un bénéfice considérable. Mais ce que vous me proposez, monsieur le baron, savez-vous que c'est presque un vol ? Dit Kerlusset avec indignation. Walker se mordit les lèvres en voyant ses ouvertures aussi mal accueillies. Mais il se remit promptement, et ce fut avec un sourire bonhomme qu'il répondit au jeune savant en lui tendant la main. « Bravo, mon cher. J'avais voulu vous éprouver, vous avez victorieusement subi l'épreuve. Vous êtes un homme antique, vous, un de ces caractères que rien ne saurait faire dévier de la ligne droite. C'est ainsi que j'aime ceux que j'ai associés à mon entreprise. Maintenant, c'est entre nous à la vie et à la mort. Je regrette que vous ayez eu assez peu de confiance en moi pour me tendre un piège. » répliqua le vicomte, qui avait peine à comprimer la colère qui grondait dans son cœur. « J'ai eu tort, je le reconnais !» repartit le grand financier qui, en signe de repentir, serra de nouveau avec effusion la main de son ingénieur en chef. Kerlusset, après le départ de Walker, réfléchit longuement à l'entretien qui venait d'avoir lieu. Il se demandait si le baron, en lui proposant l'acte d'indélicatesse contre lequel il avait énergiquement protesté, avait voulu réellement lui tendre un piège, ou si, en prévision d'une catastrophe prochaine, il avait tenté de l'en préserver. Ce dilemme, il eut beau le retourner en tous sens, il ne parvint point à le résoudre, et ses inquiétudes premières s'en accrurent. Aussi, le soir, lorsqu'il fut de retour à la villa, Ève et Marcel furent-elles frappées de son air soucieux, et Lavernay, auquel sa préoccupation n'avait point échappé, lui en demanda la cause. Kerlusset leur raconta alors ce qui s'était passé. « C'est une infamie !» s'écrièrent simultanément les deux sœurs. « Quant à moi, dit Maurice, je n'hésiterai pas un instant. Je retirerai nos fonds de la société et nous nous en retournerions en France en plantant la Walker et ses tripotages. » Le vicomte secoua la tête. « C'est impossible, car nous ne pouvons retirer notre apport social qu'en vendant nos actions, et notre honneur nous défend de profiter de la hausse actuelle. Si nous agissions autrement, les actionnaires seraient en droit de nous dire s'ils se trouvaient ruinés, que c'est nous, en qui ils avaient placé leur confiance, qui sommes les auteurs de leur ruine. C'est juste, repartit Lavernay. Quels que soient les dangers de l'avenir, continua Kerlusset, nous resterons fidèles à notre poste et nous défendrons contre les menées déloyales du baron, si toutefois c'est un fripon, les intérêts des actionnaires et les nôtres. De cette façon, nous aurons accompli jusqu'au bout notre devoir, et puis advienne que pourra. Pendant que ce conciliabule de famille avait lieu dans la villa des bords de l'Hudson, une scène d'un genre tout différent se passait dans un somptueux hôtel bien connu de tout New York et qui appartenait à un personnage dont nous allons esquisser le portrait. Nathaniel Frog était un des plus riches spéculateurs de l'Union américaine. On ne comptait plus ses faillites. Aussi la considération que lui portaient ses compatriotes était-elle en rapport avec ses désastres financiers dont il avait su si habilement bénéficier que le nombre de ses millions était devenu légendaire. Aucune grande entreprise ne se montait, aucun railway nouveau ne s'effectuait sans son patronage. Pour peu qu'une affaire fût née viable, on était certain de voir figurer son nom en tête du prospectus. Lorsque les actions de la Société des huiles minérales eurent atteint le chiffre de 200 $, Nathaniel Frog n'avait pas hésité à en acheter un certain nombre. De toutes les réclames qu'avait faites le baron Walker, aucune n'avait produit plus d'effet que le témoignage de confiance donné par le spéculateur Yankee. Ceci expliqué, nous allons introduire nos lecteurs dans l'hôtel de ce personnage. Nathaniel Frog, qui frisait la soixantaine, était gros et court. Son cou de taureau accusait une force herculéenne, et son visage coloré faisait prévoir que le seul ennemi qui le tracasserait un jour ou l'autre était l'apoplexie, ce qui ne l'empêchait nullement de boire sec et de manger comme quatre. Dans tout le cours de son existence, il ne s'était senti de répugnance que pour une seule sorte d'opération, celle du mariage. Les jeunes américaines avaient visé longtemps les millions du bonhomme, mais aucune d'elles n'avait pu se vanter d'avoir exercé la plus légère influence sur son cœur, plus fermé que sa caisse. Le soir où nous sommes, Nathaniel, après avoir copieusement dîné, se balançait dans un de ces fauteuils à bascule qui commençaient à être connus en France. Il fumait un excellent cigare de planteur tout en dégustant de la vieille eau-de-vie de fine champagne, et il se trouvait dans cet état de bien-être qui suit une digestion facile. Comme la soirée s'avançait, il se demandait comment il l'achèverait. Irait-il à son club, un sermon de tempérance, ou se rendrait-il au théâtre pour entendre une nouvelle cantatrice italienne dont on disait merveille? Il en était là de ses réflexions lorsque son valet de chambre vint lui annoncer qu'un gentleman demandait à lui parler. « Son nom ?» fit Nathaniel Frog. Le valet tendit une carte de visite sur laquelle l'Américain lut le nom du baron Walker, directeur de la Société des huiles minérales. « Approchez un fauteuil, mettez sur la table un second verre de cognac et faites entrer le baron Walker, » dit le célèbre spéculateur archimillionnaire. Le valet sortit et revint bientôt accompagné du baron. L'Américain, qui avait recommencé son balancement dans le fauteuil à bascule, ne se leva point à l'entrée de son visiteur et lui indiqua d'un geste le siège qui avait été préparé à son intention. Celui qu'on surnommait le roi de l'huile, sans se formaliser du sans-gêne de Yankee, s'assit dans le fauteuil désigné. Les deux hommes se trouvaient placés en face l'un de l'autre et séparés seulement par un petit guéridon sur lequel était le plateau à cognac et une boîte de cigares. « Fumez-vous ?» demanda Nathaniel Frog. Walker, pour toute réponse, prit un cigare qu'il alluma à la bougie de cire vierge destinée à cet usage. Puis, sans attendre l'invitation de son hôte, il se versa du cognac dans un grand verre de Bordeaux. « Excellente, votre fine champagne » dit-il en savourant la liqueur ambrée. « Nous n'avons rien de meilleur en France. 10 $ la bouteille, 50 ans de fût. J'en possède encore 5 barriques. » répondait le Yankee d'un ton flegmatique. Bien des têtes couronnées n'ont pas leur cave aussi bien montée que la vôtre, répliqua sur le même ton le directeur de la Société des huiles minérales. Nathaniel Frog, qui jusqu'alors avait montré un visage impassible, eut un sourire de satisfaction à ce compliment qui chatouillait son amour-propre. Savez-vous pourquoi mon cognac est supérieur à celui qu'on sert sur la table des rois de ce temps-ci? Demanda-t-il au baron. « C'est parce qu'il y a aujourd'hui un roi qui domine tous les autres, le roi de l'art, » répondit Walker sans hésitation. « Vous êtes un homme d'esprit, vous, » dit Nathaniel, « et ce qui vaut mieux, un homme pratique. Mais vous êtes venu me voir pour parler affaires, je suppose, car des hommes comme vous et moi ne se dérangent jamais pour rien. Time is money. Vous avez deviné. Dans ce cas, parlez, j'écoute. » « Si je suis roi de l'huile, » continua le baron, « vous êtes, vous, Nathaniel Frog, » le roi des chemins de fer américains, car si je suis bien renseigné, et je suis certain de l'être, vous avez dans la main tous les railways qui sillonnent l'immense territoire de l'Union. Vos renseignements sont parfaitement exacts, répondit le Yankee. J'ai des intérêts dans toutes les compagnies qui se créent, et je suis le directeur des plus importantes. Ce qui n'empêche pas, interrompit Walker, que la plupart de vos lignes se font une guerre acharnée qui ne profite qu'aux voyageurs. Hélas! « C'est notre plaie cachée, » murmura Frog, dont le front s'était tout à coup embruni. « La libre concurrence, le système de liberté qu'on nous envie si fort en France, et je pourrais dire en Europe, sont devenus notre ver rongeur. Si quelques entreprises, comme celle de Chicago par exemple, donnent de bons résultats, presque toutes les autres se soldent en déficit. « À cela, je ne vois qu'un remède, » repartit Walker. « Et ce remède, quel est-il ? » demanda vivement Nathaniel. C'est bien simple, les chemins de fer américains recouvreront leur ancienne prospérité le jour où les compagnies, au lieu de se faire concurrence, s'entendront pour élever leurs tarifs. C'est une idée excellente, à laquelle j'ai songé depuis longtemps, mais il faudrait, pour faire une semblable révolution, disposer de la majorité dans toutes les assemblées d'actionnaires. Cette majorité m'est acquise dans plusieurs compagnies, mais il existe certains railways qui ne subsistent pas à mon influence. Je pourrais, moi, vous apporter les adhésions qui vous manquent en développant le principal actionnaire de ces dernières lignes, répondit le baron Walker. Quelle somme faudra-t-il pour cela ? Nathaniel Frog regarda son interlocuteur dans les yeux, puis, après avoir réfléchi pendant quelques instants, au prix où sont les actions de ces lignes, avec 2 millions de dollars, l'affaire pourrait se conclure. Très bien, fit Walker. Maintenant jouons carte sur table. Que m'offrez-vous en échange de mon concours ? Fixez la somme vous-même. Pour tout pot de vin, je n'exige de vous, lorsque la fusion sera faite, qu'une seule chose, c'est de tripler le transport des huiles minérales. Mais c'est la ruine de votre société, s'écria Nathaniel Frog abasourdi de la proposition. Vous l'avez dit, repartit flegmatiquement Walker, c'est sa mort. Alors vous êtes fou, répliqua le Yankee. Ce se nomme sensé, pratique, poursuivit le baron du même ton flegmatique. Voyons, monsieur Frog, songez aux moyens que vous avez employés pour vous enrichir, et vous verrez que je ne fais que suivre votre exemple. N'est-ce pas en étranglant les entreprises les plus fructueuses que vous êtes parvenu à vous en rendre l'unique possesseur? Combien de fois avez-vous jeté vos actionnaires à la mer pour acheter ensuite l'affaire à vil prix? L'Américain, loin de se formaliser des paroles que Walker lui faisait entendre, paraissait flatté de l'hommage rendu à sa proverbiale habileté. « Je comprends, » dit-il en souriant. « Vous voulez à votre tour étrangler la société des huiles minérales pour devenir un jour le seul propriétaire des grands réservoirs de pétrole de Pennsylvanie. Gigantesque idée, mon cher. Idée sublime que la vôtre. Superbe. Splendide. Colossale. J'accepte vos propositions et plutôt 10 fois qu'une. » Il ne nous reste plus qu'une petite formalité à remplir, répondit le baron. C'est d'arrêter les termes d'un traité par lequel vous vous engagez à baisser d'un 1/5 l'ancien prix du transport des huiles lorsque je serai devenu l'unique propriétaire des puits et des sources de pétrole. Et combien me paierez-vous ce petit service? Je vous intéresserai pour 1/10 de mes bénéfices, sans que vous ayez à dénouer les cordons de votre bourse. Rédigez l'acte, repartit Nathaniel Frog, en plaçant devant Walker tout ce qui était nécessaire pour écrire. Lorsque le baron eut rédigé le traité, il le passa à l'Américain. Celui-ci le lut lentement et en pesant avec soin chaque mot. « Avez-vous quelques objections à faire ?» demanda Walker. « Une seule, mais elle est capitale. Si les sociétés de chemin de fer de l'Union réunie en syndicat refusaient plus tard d'abaisser le prix de transport de vos huiles, vous auriez le droit de me réclamer d'énormes dommages-intérêts pour avoir manqué à mes engagements. Parfaitement raisonné. Aussi mon intention est-elle de vous donner une contre-lettre qui vous libérerait de tout engagement vis-à-vis de moi si le fait dont vous parlez venait à se produire, ce qui n'est guère probable puisque la majorité m'est acquise en devenant le principal actionnaire des railways où votre influence est nulle et où la mienne s'exercera tout entière. Faites-moi cette contre-lettre, dit le Yankee, et je signerai le traité des 2 mains. Le baron prit une feuille de papier, écrivit la contre-lettre demandée, la signa et la remit à Nathaniel Frog. Celui-ci, à son tour, signa le traité rédigé par Walker et le lui rendit. À présent, apprenez-moi à quel moment devra être triplé le tarif du transport des huiles minérales. Dans 8 jours, vous pourrez faire éclater la bombe. D'ici là, j'aurai vendu toutes mes actions et je n'aurai plus à redouter la baisse. Fort bien, reprit l'Américain. Mais n'oubliez pas d'acheter la quantité d'actions de chemin de fer nécessaire pour nous assurer la majorité dans les assemblées d'actionnaires. « Je n'ai qu'une parole, » répliqua le baron d'un ton digne, puis il ajouta en se levant. « Encore un verre de votre excellent cognac. »« Avec plaisir, » fit Nathaniel en remplissant les 2 verres. « À votre santé, mon compère, » dit Walker en approchant son verre de celui de Yankee. « Au succès de notre entreprise, » dit ce dernier après avoir trinqué. Les 2 verres vidés, Frog se frotta les mains. C'était l'habitude de l'honnête spéculateur de traduire ainsi sa satisfaction lorsqu'il venait de conclure une bonne affaire. De son côté, le baron n'était pas moins enchanté du résultat de sa soirée. En effet, son gigantesque projet allait se réaliser, il se voyait avant peu le possesseur unique des puits de pétrole et, par conséquent, le maître absolu du monopole du commerce des huiles. « Allons !» se disait-il tout en regagnant l'hôtel d'Astor. « Bientôt, je marcherai de pair avec les Rothschild, et j'aurai sur eux cet avantage, c'est qu'il a fallu plusieurs générations pour édifier leur immense fortune, tandis que la mienne sera mon ouvrage. Et ce n'est pas tout. Je deviendrai prince souverain en épousant Irène, et alors je serai fondateur de dynastie. »